maison s'est envolée. Aujourd'hui, on s'est regardé et on s'est enfui, chacun de son côté, comme des voleurs. On a vendu tout ce qu'on avait dans le cœur, nos plus belles années, notre jeunesse, les amours d'enfant et les jours de liesse, les sapins, la petite crèche en papier et tous les joujoux de Noël par milliers. La maison s'est envolée dans un ouragan. On s'était accroché au mur pourtant. On voulait la tenir, la retenir encore, la retenir encore, encore plus fort. Et puis non, tout a été emporté. Les soleils d'hiver et les nuits d'été, même l'ombre de notre chat s'est enfuie. J'ai cru la voir détalée sous la pluie. Je n'ai rien voulu comprendre ce soir. J'ai bu ma bouteille tout seul dans le noir. J'ai écouté des chansons de mon pote et j'écris ces lignes, le cœur en pelote. La maison où on a grandi est vendue à des amoureux, alors rien n'est perdu. Vive les sapins, la petite crèche en papier et tous les joujoux de Noël par milliers. Vive les sapins, la petite crèche en papier et tous les joujoux de Noël par milliers.